quartier, je vois des grosses levées. Tout le monde me prend la tête, moi je viens de me lever. Avec moi tu n'y as rien à faire, je vais promener. Ou alors je reste au terre-terre, maintenant tu me connais. Je trahirai jamais mes pattes, on se porte de la monnaie. J'oublierai jamais l'époque et Carthage de voler. Barbecue à la pointe, je buvais, je m'envolais. Et pourtant si je t'ai fait du mal, vraiment désolé. Vaut mieux pourtant qu'on soit quitte, je me quitte. Parle pas de guerre, on pourrait revenir en équipe. On s'amusait, on faisait les pitres, buvait des litres. On se met comme des frères à dire que maintenant on s'évite. Ne prends pas la tête avec tes chalocs. Nous on veut du pif, tu veux des allocs. Nous on veut innover, délover. Mettre nos darons à l'abri. Ne prends pas la tête avec tes chalocs. Nous on veut du pif, tu veux des allocs. Nous on veut innover, délover. Mettre nos darons à l'abri. J'suis au quartier avec mes ladies. Alger, Bamako, Maroc et West Indies. On tue le temps dans toutes sortes de bises. Et si tu faisais la folle, on disait rest in peace. Donc j'appelle le brigante. Ami Jules, ça sent le danger. On veut sortir de la tête, trop de soucis dans la tête. Monte le son dans la caisse. On va le faire tour du monde, mais pas celui de nous-mêmes. Guidé par des bonnes ondes, on ira là, là où le vent nous mène. T'es au quartier, posez petite chicha. One of quatre ficha jusqu'à Massilia. La route est longue, négocie bien le virage. On vise pas la cour des grands, mais la cour des miracles. Ne prends pas la tête avec tes dialogues. Nous on veut du pif, tu veux des allocs. Nous on veut innover, délover. Mettre nos darons.